Bart, qui est développeur au Cléo et qui est spécialiste pour nous des interopérabilités, des échanges de données et notamment des formats XML, et qui est en charge des développements qui sont liés à l'acquisition des DOI, à l'enrichissement des DOI. C'est l'essentiel, c'est son expertise qui sera l'essentiel de la présentation et des échanges qu'on aura autour de cette présentation, puisque c'est un retour d'expérience essentiellement. Je vais faire moi une introduction en essayant de vous transmettre une synthèse, non pas des enjeux comme je l'ai fait, mais de ce qui est, comment fonctionne le DOI. Et je vais faire un détour avant par la musique, vous comprendrez, j'espère, plus tard pourquoi. Et après, Nicolas présentera les développements qu'il a commencé à, sur lesquels il a commencé à travailler, les difficultés qu'il a rencontrées dans vos données, dans nos données, et la façon dont peut-être qu'il va falloir qu'on fasse évoluer nos pratiques bibliographiques pour qu'elles puissent être enrichies par des automates, sauf à recruter 250 Égyptiens. Alors Égyptiens, je pense aux pyramides en fait. Mais normalement, effectivement, c'est plutôt des Indiens ou des Malgaches. Mais ils n'ont pas. De toute façon, dès qu'on fait une métaphore, on se plante. Alors, c'est culturel. J'ai parlé ce matin, pour ceux qui étaient là, de l'importance du nommage des documents. Je vais remettre une couche en entrant un petit peu plus dans la technique. Je crois qu'on a un avantage, c'est que la musique est passée avant nous, en fait, et qu'on a été obligés de ils ont été obligés de s'organiser. Dans le nommage, dans le domaine de la musique, pardon, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est qu'ils ont adopté un format de métadonnées qui est encapsulé dans le MP3, qui est le ID3. Il y a eu plusieurs générations d'ID3 qui permettent de décrire le morceau de musique avec un certain nombre d'éléments. Alors, je sais pas, voilà, ça c'est un des logiciels qui permet MP3 tag, qui permet d'extraire ou d'imposer des métadonnées cachées dans le fichier MP3, en format ID3. Donc ici vous avez sur ce morceau-là, il a identifié le titre 06 Belleville avec CHK. Bon, donc on voit bien que c'est pas vraiment le titre du morceau, mais d'accord. L'interprète, l'album, les années, des gens, voilà, tout un tas de métadonnées qui sont des métadonnées qu'on peut facilement transposer à la question du livre. Mais l'avantage, c'est qu'on a aujourd'hui des millions de documents qui sont décrits comme ça. Et il y a des banques de données privés et des bandes de données publiques qui vous permettent de rapatrier ces données. Aujourd'hui, il y a un organisme principal qui essaye de devenir un gisement de données bibliographiques libre, c'est l'Open Library, l'Open Archive qui a créé l'Open Library, qui met en place donc une grande banque de données bibliographiques pour que vous puissiez répatrier des données sur les livres. C'est encore un peu approximatif, encore un peu tâtonnant. On n'est pas dans les masses dont on a besoin. Et il y a aussi tous les outils de type Library Sync, Babelio, etc., qui servent aussi à ça, qui peuvent servir de grands dépôts de données qu'on peut interroger et rapatrier pour ses propres documents. Dans le domaine de la musique, ça s'est beaucoup plus développé. Donc, ce qui me semble intéressant dans le domaine de la musique, c'est qu'on n'a pas d'identifiant unique pour décrire un morceau, à ma connaissance en tout cas. Donc comment est-ce qu'on fait pour le reconnaître? Il y a deux façons. Vous avez récupéré un dossier MP3. Alors il y a deux façons. Ce logiciel-là, il n'a que deux façons de faire. Soit il essaie d'interpréter les informations qu'il a. En général, en ID3, vous n'avez rien, là, c'est tout vide par défaut. Donc vous n'avez aucun auteur, etc. En revanche, il a le nom du fichier, et quand il est bien fait, il peut espérer en retirer quelque chose. Donc il cherche des correspondances à l'intérieur, tu vois où je vais en venir, à l'intérieur du titre, en se disant est-ce que Belleville, ce sera un nom d'artiste, ou Alexis HK, ou un trop cyclopède, parce que ce serait par rapport, par exemple, le nom d'artiste. et en essayant de faire matcher avec des banques de connaissances, s'il arrive à connecter des choses suffisamment probables, il va pouvoir dérouler ensuite les informations qu'il détient. Et ensuite, les chercher sur une base de données centralisée, sur Internet, les rapatrier et enrichir en données cachées votre fichier MP3. Du coup, votre lecteur, iTunes ou n'importe quel autre lecteur, va pouvoir vous les classer par album, par genre, avec la pochette, etc. On pourrait même imaginer qu'un jour, quand on achète sur iTunes de la musique, on ait des paroles. C'est quand même pas très compliqué. Et on nous dit qu'il faut apporter de la valeur ajoutée au numérique. Aujourd'hui, quand vous achetez du MP3, vous achetez du MP3. Gracieusement, on vous donne la couverture en JPEG et gracieusement un livret en PDF, mais vous n'avez pas les paroles associées au morceau. Donc vous pourriez avoir les paroles qui défilent sur votre lecteur, mais ça, c'est trop compliqué à penser pour les maisons de disques de toutes les villes. Ça se fait sur Android, il y a des logiciels qui le font utilisant les métadonnées, justement. Voilà, mais des logiciels qui sont des logiciels d'enrichissement qui ont été faits par la communauté, pas par les gens qui nous vendent. Tu me rassures. Voilà, ça va venir. Oui, ça sera vendu plus cher, du coup. Ça va être vendu plus cher parce qu'on aura droit aux paroles. Oui, c'est bon, docteur. Donc, vous voyez ce qui se passe ici. Vous avez ici un convertisseur qui vous permet de récupérer du nom de fichier, d'extraire des tags. Donc là, vous avez une action avec le bouton droit. Hop, vous faites nom de fichier vers tag, c'est-à-dire vous lui demandez d'essayer d'extraire dans le nom de fichier ce qu'il peut et de remplir. Et vous pouvez faire l'inverse, les tags, donc c'est toutes les informations que ça vous fait. Vous pouvez faire l'inverse, tag vers nom de fichier. C'est-à-dire, vous avez un fichier, quand vous l'avez ripé, votre truc s'appelle 1.mp3, vous faites tag vers nom de fichier, s'il a les bonnes informations, il va recomposer selon une norme de nommage le nom du fichier, comme ça, vous allez vous y retrouver à l'œil, mais aussi potentiellement votre collègue qui va rapatrier votre fichier aussi. Donc il y a deux sortes de nommages que j'ai repérées. Il y en a en fait, ils en proposent tout un tas. Hein. Quand ils y, on va dans les propriétés, on peut définir dans quel ordre sont les informations. Donc par défaut, ce logiciel met artiste-album-track-title.mp3. Mais il y a un nommage qui est plus courant manifestement, qui est track, donc le numéro, c'est ça, le numéro du track, le nom de l'album. Donc, tirer le nom de l'album, tirer le nom de l'artiste, tirer le titre du morceau. Donc, je ne sais pas si c'est intéressant que vous le notiez, hein, mais. Donc, c'est juste de dire que ça s'appuie sur des conventions. Moi, je me demande si il existe une charte de nommage des livres ou des articles. Et il n'en existe pas, à ma connaissance. Il n'y en a pas. Donc, moi, je vous propose qu'on ait comme conclusion de cette université d'été qu'on soumet à la commune de la bouquinosphère une charte de nommage des fichiers. Pas les métadonnées, tout ça, ouais, pas des trucs compliqués. Faisons un truc simple où on s'adopterait tous la même procédure. Comme ça, on pourrait extraire des données simplement des noms de fichiers. Et puis, on pourrait les ranger accessoirement dans sa bibliothèque. Donc, j'ai inventé une norme. Je ne sais pas, on peut en discuter tout à l'heure. Alors, je reviens à la musique. Mais si on n'a pas toutes ces informations, comment est-ce qu'on fait pour retrouver un identifiant unique, hein, pour arriver à rapatrier les métadonnées dans une banque centrale? On a inventé ce qu'on appelle l'audio fingerprint. L'audio fingerprint, c'est une sorte d'ADN du morceau. Hein, on utilise des signes dans nos environnements qui servent à ça, en fait, mais qui sont enlevés aléatoirement. En fait, c'est une sorte de long chiffre, un certain nombre de données numériques qui ne sont pas la musique elle-même, mais qui dépendent de la musique. C'est-à-dire, en fait, c'est une clé qui est déduite de la façon dont l'onde est construite dans le morceau et qui doit être unique. D'accord ? On pourrait du coup imaginer de faire ça à partir du texte. Et ça, en fait, à ma connaissance, ça n'existe pas. Ça existe pour les textes ? Vas-y, dis-nous. Dans le cas de DDRM, ben ça existe. On crée une signature à partir d'un texte et on l'insère dans le texte ou dans l'image, on peut le faire. Ça s'appelle du watermarking et après, évidemment. Voilà, mais la création du numéro de série unique, c'est pas le watermarking, ça pourrait servir à créer des identifiants uniques. Exactement. Hein? C'est utilisé pour. Mais c'est toujours utilisé à la base à partir des DRM, comme les LOIs. Toujours au-delà de. Essayons de faire autre chose. Pour les LOIs, c'est ce qu'ils utilisent aussi. Ils utilisent les textes ou je crois les métadonnées. Justement, sur EPUB, c'est ce qui doit être utilisé pour protéger les polices. Ah, pour protéger les polices. Il y avait un problème avec les fundraisers qui n'étaient pas très contentes qu'elles soient en clair dans, les, dans le conteneur. Ils utilisent comme ça une signature. Tu peux parler pour tout le monde et pas seulement pour Marin. Alors, il explique que pour protéger les polices qui sont encapsulées dans les sont utilisées en fait dans les formats EPUB, c'est ça. Elles sont, il y a une clé unique qui est générée pour identifier la police et empêcher qu'elle soit lue ou Non, c'est pour qu'elle soit utilisée uniquement avec le fichier en question. Ah voilà, qui est lié donc au fichier, du coup dans un autre contexte elle n'est pas utilisable. Voilà. Donc moi je jette des idées juste pour qu'on essaie d'avancer et de réfléchir. Mais en tout cas moi ça me semble intéressant. Alors ce que je note sur l'audio fingerprint, c'est que c'est pas gagné. Qu'il n'y a que des solutions commerciales, et toutes les solutions libres se sont arrêtées il y a longtemps, et on n'est pas du tout dans une situation satisfaisante pour ça. Bon, il n'y a pas encore rendu. Hein. Mais bon, il y a des perspectives d'automatisation, de génération de clés uniques sur les morceaux, sur la base du contenu du morceau. Donc on pourrait générer des clés uniques sur la base du contenu des textes. Voilà. Plus... donc l'idée qu'on pourrait donc nommer nos fichiers de façon régulière. Alors moi, en essayant de m'inspirer des conventions de nommage de la musique, je propose ça et je le soumets à votre avis. Moi, je mettrais ID ici, c'est-à-dire l'ISBN pour les livres et le numéro DEI pour les articles. Avec un tiret, je mettrais ensuite la date de publication, sous la forme année, mois et jour. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que ça, enfin, c'est une norme plutôt pas européenne, quoi. Mais moi je préfère mettre l'année d'abord parce que ça permet de classer ensuite. Ensuite l'auteur, mais là on voit tout de suite que si on a beaucoup d'auteurs, on va avoir un problème. Et comment est-ce qu'on met les auteurs? Bon. Le problème, c'est qu'en bibliographie, ça se complique très sérieusement. Il y a l'œuvre, le numéro de partie, et puis le titre de la partie. Voilà. Et puis, il y a un truc qui me semble, une chose qui me semble importante, c'est point le format. C'est une pratique qui est héritée des PC, et qui, en MP3, est restée. On dit point MP3 même sur des univers qui n'utilisent pas cette extension. Voilà. À mon avis, il faudrait quand même qu'on arrive à une charte de nommage et qui correspondrait à une bonne pratique, qui ne serait pas du tout obligatoire, mais qui nous ferait un peu avancer. Des réactions sur ce sujet-là, ça vous semble pas possible? Du point de vue d'un éditeur, c'est justement ses propres moyens de classification, les numéros de collection interne, des tas de choses pour faire l'archivage, et je pense qu'on ne pourrait pas coller tout à fait à ce niveau. Oui, mais là, on n'est sur que 255 caractères, donc c'est pour la diffusion. Et de toute façon, actuellement, actuellement, les gens appellent ça un point PDF, donc on soit bien d'accord. Christophe. Moi, je pense que ce qui est un minimum, c'est que il y a une charte de hommage qui existe systématiquement pour les projets, d'ici leur mais qu'elle soit déclarée. Voilà, déclarée. Qu'elle soit notoire. C'est ça. Ou des chartes de nommage pour différents projets sur le site. Oui, pour adapter. À la question, et ça pourrait être déjà une bonne pratique de base que de déclarer sa charte de nommage et ce qui vient de faire le fichier à la question. Vu quelqu'un, oui, au fond. Moi, je me demande si le gouvernement de la République nationale et la BNF de la France ne travaillent pas déjà sur ce genre de problème. Ça m'étonnerait qu'ils travaillent sur le nom des fichiers, mais. Ne sont pas éditeurs des documents. Ils sont pas éditeurs, mais c'est bien. Ah non, c'est pas. Ils s'hébergent les gens de l'ISBN, c'est pas eux qui les donnent. Ouais. Enfin, on constate que l'ISBN n'a pas pris le virage du numérique et que donc. Pardon. Sur la BNF, ils ont mis en place un système d'identifiant unique qui s'appelle ARC, qui est très bien fait, mais beaucoup mieux fait que le DOI, puisque en fait. Toutes les références, même les références du catalogue de la BNF ont eu un numéro d'identifiant unique, ARC, qui constitue cité. Donc, mais c'est un système payant américain aussi, ARC, qui a été choisi. Donc, ce n'est pas un système qui a été mis en place par franco-français, mais c'est aussi un système qui vise à avoir une portée d'échange internationale. Et l'ISBN, il ne pouvait en aucun cas être un numéro d'identifiant unique, parce que sinon les bibliothécaires l'auraient choisi comme identifiant d'un document. Et en fait, à travers un ISBN, il peut y avoir plusieurs éditions d'un même document. Donc, ça sera pas une ISBN. Donc, le site, je n'ai pas entendu, je t'ai interrompu par le service communication, mais le système ARC est un système qui englobe tous les systèmes d'identification de la BNF. Il faut savoir que c'est la gestion interne, c'est la destinée à la gestion interne, et que les articles des revues ne sont pas catalogués par la BNF jusqu'à preuve du contraire. Ah non, les articles. On est bien d'accord. Et donc, de toute façon, la BNF ne se propose pas comme organisme d'affectation d'identifiants pour nous, produisant des documents. C'est un positionnement là qui est bien clair. Hein. Ils ne produisent pas un service de nommage. Ils sautent pour eux, pour leurs propres besoins. Ils ont beaucoup de mal. ARC, c'est une solution enveloppante, très complexe, puisqu'à l'intérieur, ils ont tout un tas de systèmes. Actuellement, je ne vois pas de solution proposée par les bibliothèques du tout à destination des gens qui font de l'édition électronique. Pas du tout. ARC, c'est une solution qui peut être adoptée pour n'importe quel type de mouvement, parce que même les données de l'électronique, elles ont un identifiant unique ARC. Voilà, alors, je redis, c'est un identifiant unique ARC pour la BNF. Le même document à la bibliothèque du Congrès aura un autre identifiant. Donc, ce ne sont pas des identifiants uniques en dehors de l'enceinte de l'établissement. Donc, il ne faut pas. Il y a une cécité sur ce sujet-là qui est embêtante, parce qu'on nous dit que c'est un identifiant unique. Oui, mais dans quel périmètre? Le périmètre de la BNF. De ARC, plus américain. Hein. Non. ARC, c'est pas vrai. Si on implémente ARC aux États-Unis, ce sera des identifiants uniques qui décriront les mêmes documents avec des identifiants différents. Il n'y a pas d'organisme de régulation mondiale, à ma connaissance, qui rend unique un identifiant. Véritablement pour décrire le même document. Parce que pour la BNF, le document qu'ils ont dans leur rayonnage n'est pas le même que le document qui est à la Bibliothèque du Congrès. Pour nous, c'est le même, puisqu'on parle de l'objet intellectuel, eux, ils parlent du document physique. Donc attention, on n'est pas du tout dans la même problématique et c'est du coup compliqué. D'accord ? C'est vraiment, j'espère être clair, et j'aimerais bien qu'il y ait une alliance avec la Bibliothèque, hein, je suis le premier à le demander. Hein. Mais c'est une question très épineuse. Donc, qui peut attribuer des identifiants uniques à un organisme de régulation tiers qui a un seul interlocuteur? Donc, en l'occurrence, pour ce qui est de l'OI, parce que c'est de ça que je vais vous parler pour l'essentiel, il n'y a qu'un organisme qui peut déposer auprès du DOI, c'est l'éditeur ou la personne qui est mandatée par l'éditeur pour acheter l'identifiant. Et elle a le monopole de ça. C'est normal. Parce que s'il y a plusieurs organismes qui peuvent déposer des OI, pour ARC, c'est la BNF qui déclare l'identifiant, qui le construit. Elle ne va pas demander à un organisme, à l'ONU, ce document-là, qu'est-ce qu'il a comme identifiant. Par contre, elle va stocker l'ISBN, qui lui est unique pour toutes les modalités du document. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Il y avait d'autres réactions. Oui. Mais c'est pour des usages différents, c'est-à-dire oui, c'est ça, human readable, exactement. Mais peut-être c'est pas la bonne stratégie. Puis de toute façon, s'il y a des ID qui sont trop longs, ça prendra tout le. C'est pour ça qu'on a besoin de métadonnées encapsulées à l'intérieur des documents qui elles sont bien structurées, mais qu'on ne voit pas. Et du coup, d'un point de vue humain, c'est un peu compliqué à exploiter. D'autres remarques ou questions? À mon avis, ce ne sera pas très agréable pour l'utilisateur parce que très souvent, ça va lui afficher les 10 ou 20 premiers caractères, je ne sais pas trop quoi. Il verra que des chiffres. Et donc, tu mettras à la fin, même rien du tout. Vu qu'il y aura un problème, à mon avis, il y aura peut-être autant ça. Le mieux, c'est d'avoir une espèce de masque, en fait. On définit un fichier dans lequel on a un masque. Parce que là, ce que tu définis, c'est un masque comme un autre. Oui, c'est ça. On voyait quelques captures d'écran avant, il y avait un type de masque, c'était pourcentage T ou je sais pas trop quoi. C'est ça. Bah, tu fais un truc un peu plus sophistiqué que ça, où tu mets par exemple pourcentage DC title, ou quelque chose dans ce genre-là, et tu as un système un peu plus puissant déjà, et qui a plus de sens que T, N ou A. Donc Donc là, ici, c'est le masque dont il parle, c'est-à-dire pourcentage I, pourcentage A. Donc en fait, c'est la forme, et là, il propose tout un tas d'autres types de formes. En fait, il y a, quand on déroule le menu déroulant, il y a 25 formes différentes. Est-ce qu'à ça, vous avez un intérêt peut-être au-delà de l'URL à retrouver le document, par justement les métadonnées, mais sans l'URL, comme peut-être des principes de l'URL Le DOI le propose, le fait justement. Mais c'est l'intérêt. Ouais. Et OpenURL est fait pour ça. Ouais. Donc, c'est retrouver un document par ses références bibliographiques, mais saisi dans des champs. Enfin, c'est vraiment une approche très professionnelle. Et le problème, c'est de transformer ensuite en usage par le lecteur des outils, même le DOI. On va voir ce que ça donne, mais on n'est pas sûr que ça se transforme en usage. Et si ça ne se transforme pas en usage, on aura investi pour rien. Se faire en web sémantique avec une requête Sparkle, ouais, où on envoie ce type d'informations-là et après il répond avec une ou deux ou 10 ressources différentes. Voilà, c'est la logique de l'OpenURL, hein. Mais plus crimé. D'autres remarques sur ce détour sur la musique? Donc je vais passer maintenant à l'idée que à vous montrer comment ça marche le DOI. Au niveau des règles, et après Nicolas vous montrera comment ça marche au niveau de la règle. Donc le DOI, comment ça marche, j'ai simplement lu les 150 pages du DOI Handbook, qui est le système de l'outil de référence, et je vous le synthétise. Donc en 1998, il a été créé l'International DOI Foundation, l'IDF, on dit aussi DOI Foundation. Qui a pour objectif, et je cite, de développer une solution concrète pour les besoins d'identification de détenteurs de propriété intellectuelle dans un monde en réseau. Donc en fait, c'est la propriété intellectuelle qui est visée par les DOI, alors que nous, en fait, on cherche simplement à retrouver nos petits. Hein, donc je pense qu'à partir de là, il y a déjà un malentendu qui explique ce que j'ai dit ce matin. Et en 2001, ils ont publié les premières spécifications. Donc il y a longtemps. Et ils ont décidé que le DOI, ce serait, en fait ils appellent ça le DOI name, parce que DOI c'est à la fois le système et l'identifiant, donc le numéro DOI, l'identifiant DOI, c'est le DOI name pour eux, et constitué d'une chaîne unique, non ambiguë, qu'ils appellent aussi label, qui décrit, qui fait référence à une entité numérique. Exactement comme l'ISBN est une chaîne unique, non ambiguë, qui fait référence à un volume papier. L'identifiant en lui-même ne permet pas la localisation. C'est les métadonnées qui sont associées à l'identifiant qui vont permettre ensuite de trouver où est le document. Si le document bouge, c'est-à-dire que si revue.org est acheté par Elsevier et que les documents ont une adresse elsevier.com, alors les DOI qui ont été achetés feront l'objet d'une nouvelle déclaration à DOI en disant le document avait adresse à sr.revue.org/quelque-chose, il a désormais elsevier.com/quelque-chose comme adresse, et c'est une des obligations des contractants à Crossref. Donc les gens qui achètent des DOI s'engagent après à maintenir une stabilité en faisant la déclaration des nouvelles URL. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer quand s'il y a des faillites ou des disparitions de structures. Hein, donc c'est pas non plus à l'épreuve. Et le 404 note fond que tu as trouvé ce matin, normalement, est interdit. Voilà, il est interdit, donc si on le dénonce, en fait, nos amis vont payer une amende. Voilà. Mais comme on n'est pas vache, on le garde comme outil pédagogique, le temps qui dure. On ne le signale pas, donc. Deuxièmement, donc, c'est une chaîne unique non ambiguë, qui ne permet pas la localisation directement, mais l'identification unique du document. Ensuite, c'est un schéma de numérotation auquel on est obligé d'obéir, un format standardisé, exactement comme il y a un schéma pour structurer l'ISBN avec des tirs, etc. L'attribution du numéro est faite par une agence. Donc, en fait, de facto, il y a une agence dont j'ai parlé plusieurs fois, c'est Crossref, et qui, dans le monde scientifique, est dominante. Troisième qualité du DOI, les spécifications permettent à l'identifiant d'être actif. Il a pour objectif d'être actif. Alors, ce qu'ils appellent actif, c'est tout simplement qu'il puisse être cliquable, en fait, pour que ça mène vers les résolveurs qui vous ramènent vers le nom converti. Hein. Donc, je vais réexpliquer ce que c'est le résolveur, où c'est bien intégré. J'explique. Donc, le résolveur, c'est simple. C'est une. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. De face, machin. Ah, si, voilà, c'est bon. Donc, c'est le truc le plus important à comprendre, en fait. Vous avez un identifiant de l'EOI. Donc, je vous ai montré ce matin qu'on va sur le site de EOI.org, on a un formulaire, on tape l'identifiant, on tape entrée, et ça nous résout le problème, en fait. Ça résout l'adresse, en fait. Ça prend l'identifiant et ça le convertit en une adresse web vivante. Donc, il y a le résolveur qui convertit, en fait, l'identifiant de l'EOI en URL. En fait, il peut y en avoir plusieurs aussi, mais on va rester sur une. Et quand vous, en fait, c'est une sorte de carnet d'adresses qui convertit vos numéros de téléphone en nom de personne. Hein, c'est la même chose. De la même façon, quand vous tapez un nom de domaine, vous tapez apple.com, en fait, ça vous convertit en adresse IP, mais vous ne le voyez pas. Ça lui permet de savoir où est le serveur. Donc vous avez une interface web. Donc ça, c'est un résolveur de nom. Donc le résolveur de nom de DOI, c'est ça. Ça convertit le numéro DOI en URL et ça vous envoie sur l'URL. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui rend le processus actif. Donc si vous cliquez sur un numéro de DOI, en fait, ça fait comme si vous alliez dans le formulaire, vous tapiez le numéro de DOI, vous tapiez entrée. Ça fait tout ça ensemble, ça l'envoie à DOI, ça demande la conversion, et ça vous envoie donc sur l'URL définitive. En fait, l'ISBN est actif, quand on a un code barre et qu'on le douche, en fait, il est actif. Donc c'est la même logique. Donc en fait, il pense que le DOI pourrait être actif de la même façon dans des univers analogiques. Donc, ce n'est pas du tout seulement des liens. C'est pour ça qu'ils disent actif et pas cliquable. Et voilà, ça, c'est les principales caractéristiques. Ensuite, ils en déduisent 11 autres qualités qui en découlent. D'abord, la persistance. Les DOI sont persistants. L'objet peut être mobile sur le réseau, il peut donc changer d'adresse. Lui, le DOI lui-même est stable. Deuxièmement, les DOI sont des identifiants interopérables, en fait, c'est ce sur quoi travaillait Nicolas. C'est-à-dire qu'en fait, ils permettent des échanges de données entre les documents. Ils sont extensibles, c'est-à-dire qu'on nous annonce que des extensions sont prévues, que c'est prévu pour ça. Et que. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils permettent de constituer autour de Crossref une base de données centralisée contenant 38 millions de documents, hein, c'est les 38 millions de DOI, ce qui revient à épargner à un certain nombre d'éditeurs une partie du travail de référencement. Puisque quand vous êtes Sociological Abstract ou Historical Abstract ou n'importe quel système qui cherche à trouver les documents scientifiques d'une thématique, soit vous allez voir chaque revue ou chaque portail de revue en lui demandant comment est-ce que vous fonctionnez, etc. Soit vous vous épargnez complètement ça et vous allez voir un intermédiaire qui s'appelle Crossref qui vous dit « Moi, je détiens 38 millions de documents, dont 2 millions sont en sociologie, et je vous donne leurs identifiants et toutes leurs métadonnées. » Donc, Crossref est un outil de référencement absolument majeur. Mais il est aussi central. C'est-à-dire, c'est une concentration des pouvoirs qui est assez importante. C'est-à-dire qu'on devient dépendant de cet outil aussi. Donc ça fait baisser les coûts de référencement, ça augmente l'efficacité du référencement, mais par contre, évidemment, ça augmente la dépendance par rapport au système. Autre caractéristique, il y a une barrière financière, c'est l'acquisition du DOI. Tous les autres usages par le lecteur sont libres et gratuits. En fait, il y a une acquisition, le lecteur, lui, ne voit rien. Donc, le modèle économique, c'est le modèle de financement amont. De toute façon, ce que je vous rends, ce n'est pas intéressant, c'est la vie. Donc, voilà. Autre caractéristique, les gens de DOI ont essayé de faire un peu comme Arc, c'est-à-dire être compatible avec tout un tas d'autres systèmes, c'est-à-dire de pouvoir servir de chapeau au-dessus des systèmes existants. C'est-à-dire que si vous avez votre propre système, ou par exemple que vous voulez absolument, vous avez l'ISBN ou d'autres systèmes qui sont dominants dans votre univers, vous pouvez les coupler avec le DOI. C'est-à-dire que vous ajoutez juste le préfixe DOI, un slash, et vous mettez l'ISBN. C'est votre charte de nommage à vous. Donc il est prévu que vous puissiez coupler d'autres systèmes d'identification unique au DOI. C'est une forme d'encapsulage. Les DOI sont faits pour être copiables et collables. C'est bien qu'on nous le dise, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour ça. Ils sont donc faits pour être utilisés par des êtres humains, et pour être recopiés et utilisés dans des environnements humains, donc dans des mails. Ils citent explicitement les mails, les traitements de texte, et donc vous verrez que du coup, ils en ont les qualités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème dans... les bonnes pratiques imposent d'éviter des problèmes d'encodage, et ils ne sont pas trop longs. Et ils sont aussi lisibles par les machines, je cite, pour permettre la gestion commerciale du document. Voilà. Donc je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est un numéro avec encapsulage ISBN. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas la place. Donc, voilà. Un numéro DOI classique, ça commence par 10, point, un numéro, slash, qui est l'éditeur et le déposant, et slash, l'identifiant unique que vous vous dotez, dont vous vous dotez. Si l'identifiant dont vous vous dotez, il existe déjà, par exemple ici l'ISBN, c'est comme ça que vous pouvez l'encapsuler. Mais si vous utilisez un autre système, par exemple 10.456.7, c'est un identifiant unique à vous, c'est comme ça que ça se présente aussi. Et vous devez choisir, vous ne pouvez pas avoir deux. Les identifiants sont absolument uniques, c'est-à-dire que si par erreur vous en avez affecté un, identifiant un document qui n'existe pas, par exemple, vous ne devez pas le réaffecter, l'abandonner. C'est une bonne pratique. Donc ça veut dire que ici il y a des documents caducs que vous publiez, c'est-à-dire qui ont vocation à disparaître, hein, ça existe dans la presse, etc. Que vous achetez des DOI, vous ne pouvez pas les réutiliser. Vous ne pouvez pas les recycler. J'ai expliqué pourquoi la granularité était libre. Dans le système DOI, la granularité est libre, c'est-à-dire vous pouvez vraiment décrire, si vous voulez, vous pouvez acheter un DOI seulement pour votre revue, pour décrire l'ISSN en fait, et rien d'autre. Et vous pouvez aller jusque très bas, jusqu'au mot ou même au caractère. DOI propose que vous puissiez acheter un DOI par exemple pour le livre, et que dans 10 ans vous puissiez acheter des DOI pour les chapitres. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué par le choix que vous avez fait au moment où vous le faites. Donc vous pouvez racheter, ça leur arrange, ça les arrange, façon de donner un euro de plus. Donc, ce qu'il faut savoir, vous pouvez acheter une DEI et en acheter après pour décrire les subdivisions des documents. Donc la structure d'un DEI est simple. Ici, vous avez le préfixe, en deux parties. Le préfixe, ça c'est pour le DEI, c'est une des implémentations de Handle. Handle étant la norme générale qui englobe les DOI. Donc ici, c'est 10, c'est toujours 10. Donc quand, à chaque fois qu'on parle de DOI, ça commencera toujours par 10 points. Et après, ici, c'est 1000, c'est le déposant. Donc le numéro de déposant de Revue.org, c'est bien, c'est un chiffre rond, c'est 4000. Donc tous les DOI de Revue.org commenceront par 10.4000 slash. Et après, c'est laissé à la liberté des déposants de la charte de nommage. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on peut ajouter des détails. Ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur d'Unicode. Donc ça, c'est super. Et ils disent, voilà, on est Unicode. Mais ne le faites pas. Donc restez en isolatin, parce que c'est bien l'Unicode. Donc vous pouvez écrire en chinois, en russe, etc. Et même en grec ancien. Mais on vous recommande de rester en isolatin, c'est-à-dire avoir le moins... Ouais, même un skin. Mais ils disent pas, en fait. Ils disent pas trop de fioritures. Ils disent que la norme le supporte, mais que c'est pas recommandé. Et de la même façon, au début, la norme était case sensitive, c'est-à-dire que si vous écriviez Rémi en majuscule, c'était pas la même chose que Rémi en minuscule. Ils ont pris conscience que c'était pas une option très. Voilà. Et donc, ils ont décidé que c'était plus qu'elle sensitive, c'est-à-dire si vous écrivez en majuscule ou en minuscule, c'est indifférent. Ils ont donc changé d'avis. Donc vous voyez que même les systèmes prévus pour être durables, en fait, ne sont pas durables, parce que vous auriez pu, le premier jour de la publication de la norme, écrire Rémi en majuscule et Rémi en minuscule, c'est deux identifiants BOI différents, aujourd'hui ce n'est plus qu'un seul. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant de voir que chaque chose a une limite, et nous sommes tous des êtres humains, même les gens de la BOI Foundation. Alors, dans l'édition papier, on s'interroge, alors non, je vais quand même vous dire ce que nous on a décidé comme norme, on a convenu de faire comme ça, mais ça c'est chacun qui fait ce qu'il veut, hein. Le nom de la revue qui correspond en fait au sous-domaine de la revue dans revue.org, point l'identifiant unique qui est attribué par la base de données LODEL, au document. Donc ça pour de la revue. Le nom court, ben c'est le sous-domaine en fait. C'est le sous-domaine. Oui, non, mais c'est important dans le concept parce qu'il faut déclarer le nom long du journal et son abréviation. Voilà. Mais ça, on fait vraiment ce qu'on veut. Hein. Des lettres, des chiffres, tout ce qu'on veut. Et il ne faut simplement pas en changer, donc il faut vous stocker cet identifiant. Donc nous, ça va être 10.4000/remi.ai. L'ID est ensuite la base de données. C'est toujours mieux de faire simple si on peut. Comment est-ce qu'on gère le DOI dans une édition papier? Alors, il recommande de mettre le DOI pur, c'est-à-dire de ne rien mettre d'autre que l'identifiant DOI. Ça veut dire que si vous ne savez pas à quoi il sert ou comment il marche, vous ne pouvez rien en faire. Parce que si vous écrivez, je vais effacer. Si dans votre édition papier vous écrivez DOI 2.10.4000/remi.150, ben voilà. La personne qui ne sait pas ce que c'est qu'un DOI, elle ne peut rien en faire. Il faut qu'elle sache qu'elle doit aller sur DOI.org pour taper dans le formulaire l'identifiant pour aller trouver l'URL. Donc il faut qu'on forme 1 million de profs, 10 millions d'étudiants, enfin. D'accord. Alors ils disent, on comprend que ça c'est, quand on va faire démarrer le système, c'est pas très facile à expliquer. Donc vous pouvez à côté de ça, ajouter une adresse complète, mais évidemment elle ne sera pas applicable en édition papier, avec la façon dont on le fait en ligne, c'est-à-dire dx.doi.org/identifiant-doi. Comme ça là, l'adresse va être plus longue, mais par contre si la personne la retape, il y aura la résolution de nom qui se produira. D'accord. Et on peut espérer que dx.doi.org soit pérenne. Les gens de la DOI Foundation nous disent qu'ils feront tout leur possible, mais qu'ils ne peuvent bien entendu pas garantir que dx.doi.org marchera encore dans 100 ans. Or, comme c'est fait pour durer longtemps, normalement, il ne faudrait pas mettre d'URL non pérenne comme base des identifiants uniques. Donc vous voyez que c'est quand même un problème qui est en fait extrêmement redoutable et qui s'applique en grande partie sur la confiance. Si tout le monde y croit, ça marchera. En fait, c'est ça. Comme une pub, hein, si on dit que c'est un standard, c'en est un, non, Adrien? Il y a un comme côté tout, performatif. Comme tout standard. Comme tout standard, il y a un côté performatif dans le standard. Et donc, on va. Donc, ils proposent ça, ils disent, mettez le DOI, et puis, pour en savoir plus, 2 points, et l'adresse dx.doi.org, et puis alors ensuite, 10.4000/remi. Alors moi je dis ce que dit Crossref, et maintenant moi je pense... Parce qu'il a taillé la bibliographie. Oui, oui. Moi je pense qu'il faut en rester ici. Il faut faire un pari sur l'avenir en disant qu'il faudra mettre les ISBN, Nicolas va vous expliquer qu'il faudra mettre les ISBN dans la référence. Et moi je pense qu'il faut mettre le DOI dans la référence. Ce qui revient à un problème qui est quand même pas mineur, ça revient à avoir le DOI avant la publication. Or, évidemment, dans nos systèmes, on aura des dispositifs d'acquisition de DOI au moment où on publie en ligne. C'est-à-dire, en général, aujourd'hui, plutôt post que pré-publication. Donc, on est en train d'implémenter un workflow que pour le DOI à revue.org qui permettra de réserver à l'avance des identifiants DOI pour les connaître au moment de l'impression pour ensuite les acheter en étant sûr qu'ils sont réservés. Sinon, dans l'impression papier, il n'y aura pas le devis. Et si on ne va pas vers le papier, ça ne servira à rien, ce ne sera pas payé. Donc là, il y a quand même toute une organisation. Vous voyez que le coût organisationnel, il va être important. C'est-à-dire que le secrétaire de rédaction va devoir pré-réserver 20 identifiants DEI à l'avance. Et pas se tromper dans les conversions. Si c'était un protocole, on pourrait faire DEI 2.//, de vente DEI. Mais normalement, c'est plutôt quelque chose qu'on utilise pour les protocoles. Et ça simplifierait quand même. Ce serait mieux que mettre HTTP 2.//, DX. Mais parce que ça, c'est un open URL. C'est pour que ça marche pour les gens qui vivent en web normal. Mais eux, ils ont tout réécrit derrière ce que tu dis. Il y a un protocole. Avec cette forme-là. Ils ont réécrit le protocole et le DNS. D'accord. Est-ce que les revues américaines qui ont justement lancé ce système commencent à mettre en place ces citations de numéros dans les articles ? Oui, énormément. Oui, c'est là, il y a dans d'autres disciplines. C'est... Au niveau des articles, alors au niveau des bouquins, il y en a très peu. Il y a deux grosses universités, j'ai regardé là avant, il y a deux grosses universités américaines qui commencent à mettre des DOI sur leur bouquin, sur leur pression universitaire, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, au niveau des articles scientifiques, c'est en pleine explosion. Enfin, c'est vraiment le boom. Et si vous allez dans des bases de données bibliographiques auxquelles vous êtes abonné, auxquelles vous avez accès, vous en voyez de plus en plus des DOI. L'exemple que tu as donné tout à l'heure là sur Delib, tous les articles ont un DOI, mais c'est systématique. Quoi. Et ça fait très peu de temps. Mais est-ce qu'ils citent des DOI des autres articles ? Eh bien oui, ils y sont obligés. Parce qu'ils y sont obligés. Et c'est toute là la difficulté du problème. Ils sont obligés, donc voilà comment ils font. Quand il y a un DOI, ils l'ajoutent et ils le rendent cliquable. C'est l'obligation qu'ils contractent au moment où ils achètent le DOI pour ce document. Mais c'est ce qui fait l'intérêt du DOI, parce que du coup, on sait qui cite qui. Entre dans le monde du DOI, évidemment. Puisqu'en fait, dans le monde de CrossRed. C'est un Internet privé, hein, il faut avoir conscience de ça. Et tu disais que CrossRed était une des agences. Alors Jean-Christophe peut te dire s'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Et en fait, parce qu'à la base, on peut déposer des DOI sur tout, sur des images, sur des films, sur un morceau de musique, sur n'importe quoi. Donc, normalement, il devait y avoir des agences qui soient un peu spécialisées un peu partout. Et il suffit de s'adresser à l'IDF et de leur dire « je veux créer mon agence, voilà, machin, je vais m'occuper de ça ». Exactement. Ils ont une délégation. Créer une agence pour enregistrer des DOI. On peut le faire. Il pourrait y avoir une infrastructure internationale pour la recherche, différenciée de CrossRef. Voilà. Et CrossRef a dit ben nous, on va s'occuper des articles scientifiques. Et ça a explosé. Et il faut savoir que le DOI n'implique pas le cross-linking, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la valeur ajoutée de CrossRef. Ouais. Et donc, en fait, si on veut être concurrentiel, il faut avoir au moins la même qualité de service et avec 10 ou 12 ans de retard. Il faut prendre la présidence de CrossRed, c'est mieux. Non, il faut se faire élire, il faut faire campagne. C'est des élections, c'est une fondation, et il faut prendre les systèmes dans le jeu du système tel qu'il est, mais pour 10 ans de campagne. Quoi. Il y a beaucoup d'Européens qui adhèrent. Ouais, alors Elsevier, un des fondateurs, c'est un Hollandais, hein, parce que vous avez dit américain, mais pas du tout. Hein. Alors nous, parce qu'on les assimile, parce qu'en fait, on veut dire capitaliste, en fait. Donc c'est Elsevier, les Springer sont des Européens. Est-ce que en fait, le principe n'a été pour eux, pour les éditeurs commerciaux, c'est un peu nous qui venons squatter et leur dire ah, ça nous non, mais eux, ça... Enfin, est-ce qu'ils voudraient pas que nous, enfin, les organismes publics, ou avec eux, ouais, se mettent ensemble. Mais est-ce que c'est bizarre, c'est quand même bizarre qu'on doive poser cette question à Marseille, que dans aucune conférence européenne à laquelle j'ai assisté, dans aucune grande meeting sur l'édition électronique auquel j'ai assisté, et puis franchement je l'ai vu quoi, Il y a eu à un moment quelqu'un qui a dit il y a un problème. Oui, il date du 19e et l'open access, ça date de... Non, je parle des gens qui parlent d'édition électronique, de conférences, que sur ça. Que sur ça, jamais on en parle. Même dans les livres sur l'open access, on comprend. Oui, alors je vais jusqu'au bout de la chose. Le mouvement le plus dynamique sur l'open access, c'est quoi? C'est l'OIPNH, hein, c'est le mouvement des archives ouvertes. Alors du coup, pendant longtemps, j'ai cru qu'en fait, on pouvait utiliser l'OAI, l'identifiant OAI comme identifiant unique. Et puis bon, j'ai constaté que nous-mêmes, on n'avait été pas très fiables sur nos identifications uniques d'OAI. Il est unique chez nous. Il est unique chez nous, voilà. Mais, bon. Et parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'avec l'OAI G-Store, il y a des revues qui sont chez nous et chez G-Store pour les mêmes documents. Donc il y a deux identifiants OAI pour le même document, donc c'est bien pas unique, premièrement. Deuxièmement, quand on lit les spécifications de l'OAI, parce que j'ai lu des spécifications pour vous parler, ils disent que les identifiants OAI n'ont pas été construits pour être des identifiants uniques. Et c'est pas du tout leur objectif, il faut que vous ayez un système d'identification unique autre. Pour eux, ce n'est pas leur problème. Ils auraient proposé ça. Il y a actuellement 20 ou 22 millions de documents dans des dépôts IPMH. Il y a 1200 repositories dans le monde. Il y a une force de frappe. Ce mouvement ne parle pas de ce problème. Par contre, quand tu vas mentionner un entrepôt, un dépôt OAI, maintenant tu récupères des DOI. En plus, comme métadonnées. Je crois que c'est parce que le protocole OAI c'est voulu facile à implémenter et très libre et non très libre. Donc il fallait d'abord inventer l'agence qu'ils auraient été chargés de. Et c'est à l'inverse des DR, bien sûr. C'était la philosophie. On se retrouve avec le même problème. Ouais, c'est ça. Vous avez parlé des services construits par Prospect pour le DOI. Moi, je n'ai pas prévu, mais. C'est pour évoquer la question policière. Sécuritaire, donc on a parlé ce matin, il y a un service qui est en train de se développer qui s'appelle CrossCheck, un service de surveillance du plagiat. Ouais. Puisqu'on peut faire du cross-linking, donc on peut aller parcourir les textes et vérifier s'il n'y a pas de plagiat dans les articles qui sont référencés au fait du DOI. Et donc il y a encore là, un aspect sécuritaire qui est renforcé par la dominance que va prendre CrossCheck sur. Donc on risque de se retrouver dans une situation où on va se retrouver à déclarer les DOI. Ça permettra de donner clair et sain du point de vue du plagiat. Ça pose un point de vue supplémentaire sur la place centrale de notre document construit, sur les conditions de surveillance de la sécurité de la santé des textes scientifiques qui sont pas. Et comme là, ça a été évoqué hier, les gens de la DOI Foundation réfléchissent à donner un numéro DOI aux gens, c'est-à-dire aux chercheurs. Ce qui permettra d'avoir pour les chercheurs, ils ont une infrastructure qui est autrement développée que d'autres qui réfléchissent en l'air. Ils pourraient donner un numéro unique à chaque chercheur, ce qui permettrait ensuite de tracer sa visibilité internationale, sa production scientifique, etc. Un autorail. Voilà. Techniquement, c'est pas compliqué, après derrière. Voilà, Nicolas, je te propose de prendre le relais. Ouais. Et on continue sur la même forme de l'interaction et de la discussion informelle. Juste une question concernant l'impact financier du DOI pour un groupement comme Bordeaux.org. Qu'est-ce que ça implique pour vous, et notamment par rapport à vos sources de revenus? Parce que ça va a priori augmenter sans cesse. Alors non, ça va plutôt baisser, alors je vais vous dire pourquoi. Une fois que vous avez acquis pour les 40 000 documents, la croissance de Revue.org, une fois que vous avez acquis les ID pour 40 000 documents, donc ça devrait 20 000 euros, parce qu'il y a beaucoup de documents anciens, donc ils sont moins chers. Après, il n'y a que les nouveaux documents qui apparaissent, et les nouveaux documents qui apparaissent, c'est quelques centaines, quelques milliers qui apparaissent, c'est pas 40 000 d'un écran. C'est pas ça qui est cher. C'est pénible, mais c'est pas ça qui est cher. Par ailleurs, nous avons un soutien du TGE Adonis dédié à ça. Le TGE Adonis, pour l'instant. Le coût n'est pas plutôt dans le. Comment tu passes dans la maintenance avec ce nouveau. C'est là qu'est le coût, c'est lui. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est dans la maintenance? Parce qu'en fait, c'est permanent, donc ça veut dire qu'il va falloir dédier. Du personnel, du développement, de la maintenance, c'est sur le. C'est ça. Et c'est ça d'un coup. Et de la qualité, parce que ce que va vous montrer Nicolas, c'est que l'identification du graphique, ce n'est pas une science exacte, et donc il va falloir définir des curseurs. Voilà, on a l'impression que c'est un article d'Alain Corbin, mais j'ai a priori à 85% c'est cet article. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis je ne l'ai pas trouvé, j'ai un peu l'air ridicule parce qu'on voit bien que c'est celui-là, ou je dis je l'ai trouvé, mais je prends un risque à 15% d'afficher une erreur. Donc il va falloir... Quel autre écran? Which other... Alors, attends. Déjà, si tu le mets en F5, souvent... Non, mais là, c'est plus bon. Ah. Ah oui, non, mais... Donc le vrai coût, il est là. Donc moi, j'évalue à 20 000 euros pour l'acquisition, et après, 20 000 euros... pour la maintenance annuelle de qualité, développement, etc. Et puis, il veut stocker 40 000 euros pour le start, le démarrage. Et alors, ça va nous coûter, nous, encore un peu plus cher, parce qu'on va essayer de diffuser en libre nos voisins. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que je ne connais pas ce machin-là. Okay. Les user experience de Microsoft PowerPoint. Ah oui, mais il l'affiche sur le... D'accord. Non, non, mais c'est parce qu'il l'a, il a mis le diaporama sur cet écran-ci. Et sur cette carte graphique, on n'arrive pas à lui dire de faire un seul écran avec les deux. En clone. Voilà, je fais F5, ce qui fait le diaporama, mais moi, je le vois, mais je ne veux pas. Faut tourner l'écran. Vous changez peut-être l'un de vos écrans, en fait. Il y a un écran qui est 1 et l'écran qui est 2. Ouais, et il doit mettre tout le temps sur 1 ou tout le temps sur 2 le diaporama. C'est ça. Il met sur 1 le diaporama. Pendant ce temps, Nicolas, tu peux commencer, hein, non? Ouais. C'est à moi de faire l'assistant maintenant. Donc, ce que je voulais dire, c'était que déjà, quand on a un résolveur odonien, là, comme ça, non seulement on pointe automatiquement vers le document original, source, normalement, qui a été déposé et à qui on a attribué un DOI. Nous, on est également capable de récupérer les métadonnées de ce document. C'est-à-dire que ce lien, là, enfin ce DOI, il permet deux choses. Comme les idées de trois tags du MPEG-3 et compagnie. C'est à la fois, on va sur le document si on veut, ou sinon, on ne fait que récupérer les métadonnées associées à ce document. Alors, pour acquérir un DOI, enfin, la première étape qu'on va mettre en place à revue.org, c'est donc de déposer des DOI, c'est-à-dire faire une demande. Alors faire une demande, c'est remplir, en fait, si on la fait à la main, c'est un formulaire. Et je décris tout mon article, les métadonnées, alors les auteurs, le nom de l'article, le nom du journal auquel il appartient, enfin le nom de la revue, on dit le nom de la revue ici, et le nom de la revue abrégée, ce qu'ils appellent le nom de cours, parce que c'est très important dans les bases de données après bibliographiques, l'année, la pagination, enfin des tas de métadonnées qu'il faut renseigner. On envoie ça, et Crossref dit, il répond pas automatiquement, il dit ok, on a enregistré, vous avez fait une demande et tout, puis il la traite, et un jour on reçoit le DOI. Donc c'est une opération qui est asynchrone. Et comme nous, on a 40 000 à peu près documents, on va pas s'amuser à faire 40 000 fois ça à la main, donc il faut, Crossref propose des web services pour les ordinateurs là, qui communiquent entre eux, et donc il faut qu'on soit capable de donner à Crossref, de dire ben, pour telle revue on va le faire par exemple par numéro, on va balancer à Crossref du XML et en lui disant ben, je veux acquérir un DOI pour tel article, pour tel article, pour tel article, pour tel article. Mais qu'on soit capable aussi après d'aller les récupérer, c'est-à-dire de temps en temps, au moins tous les jours au début, d'aller dire un cross-ref, alors vous me l'avez donné, me demandez oui ou pas. Et dès que je l'ai, alors là, il doit être tout de suite actif, si on ne veut pas se faire retaper sur les doigts, donc actif au sens que je le disais, c'est-à-dire que si on tape ce numéro de DOI dans le résolveur de lien ou en mettant http dx.org, il doit pointer sur le document, dès qu'il est attribué. Après, la deuxième obligation, c'est ce qu'on appelle de cross-linker, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est d'enrichir les références bibliographiques. D'aller voir, d'aller interroger CrossRef pour chaque référence bibliographique qui se trouve dans un article, est-ce qu'elles ont un DOI ? Et comme les DOI s'en attribuent tous les jours, on va être obligé de répéter ça X fois par an, au moins une fois par mois. Donc, ça, c'est la deuxième grosse étape, c'est arriver à... Donc, ces deux étapes hein, dont je parle, et qui se découpent en deux. Il faut arriver à parser une référence bibliographique, c'est-à-dire à reconnaître un auteur, un nom de revue, une pagination, un volume et une année, en gros. Aller interroger CrossRef, là il répond tout de suite, cette fois-ci ben, c'est synchrone, et il dit oui, il y a un DOI, non, il n'y a pas de DOI. S'il y a un DOI, il faut qu'on l'affiche. Bon là on n'est pas obligé de l'afficher immédiatement, on a 18 mois je crois avant de se prendre une grosse pénalité, se faire taper sur la tête. Donc ça c'est parser la référence bibliographique, j'y reviendrai, et ça c'est cross-linker donc. C'est... Cross-linker, c'est dire j'ai trouvé un DOI, je le rajoute à ma référence bibliographique. Comme ça, c'est comme ça que la valeur ajoutée de CrossRef arrive et qu'on peut arriver au dernier point et utiliser la valeur ajoutée de CrossRef, c'est de dire mon article qui possède un DOI, eh ben, il a été cité par tel et tel et tel article dans les bibliographies. Alors, on a commencé à mettre ça en place, donc je vais vous montrer deux petits exemples. Par exemple, sur celui-là. Voilà, donc ce que ça pourrait donner... On revoit le numéro, enfin le DOI tel que vous l'a décrit Marin tout à l'heure, donc le 10, le 4000 qui est à nous, qui signifie revue.org, et Rémi.2352, puisqu'on est sur le document de la Rémi qui a comme idée 2352. Donc on affiche le DOI, et si on va dans les bibliographies, ben là normalement on a parsé, on a cherché s'il y avait un DOI. Et là j'en ai trouvé un. Voilà. Alors si je clique là-dessus, je vais directement, je ne sais pas où je vais, mais je vais sur le document. En passant les frontières, les machins, ça peut être. On peut arriver à avoir des URL horribles derrière. Parce que en fait c'est un méta, un portail, enfin bon, des tas de choses, mais on arrive, normalement on est censé ne pas avoir de 404 formes et d'arriver sur le document, ou d'arriver sur une fiche descriptive du document en nous disant que ce document, ben, il faut l'acheter. Hein ? Bon, donc, mais par contre... Excusez-moi, ça veut dire que ça remplace ce qu'on a tendance à faire quand on... actuellement des articles qui sont en ligne, HTTP, etc. Exactement. On va y revenir. On va y revenir. Mais pour vous parler des... Pour vous parler du fait que il y a deux choses qui se cachent derrière le DOI via un OpenURL, c'est que donc là, je clique, je vais sur le document, et si je clique à côté, là, ce que je fais, c'est je ramène les métadonnées qui ont été déposées chez Crossref par celui qui a attribué ce DOI-là. Donc, suivant les cas, j'ai plus ou moins de métadonnées, plus ou moins bien enrichies, plus ou moins bien formatées, et on retrouve le même problème partout. Donc là, par exemple, on a quand même un ISSN, à la fois papier, à la fois électronique. On a le titre exact du journal. On arrive à voir des auteurs, un volume, une pagination. Bon, enfin, voilà. Et ça, c'est à l'avenir, quand on fournit les documents, quand on saisit sous l'hôtel nos articles, est-ce qu'on recevra ou on demandera de... Alors oui. C'est-à-dire que chez des esclaves. Non. 1 000 euros, c'est nous qui avons les absorbés ou c'est vous ? Non. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'en ai trouvé un autre, bon, et des exemples comme ça. Mais ce qu'il y a de dur, c'est pas d'interroger Crossref et de lui dire j'ai un DOI ou j'ai pas un DOI. Ce qu'il y a de compliqué, c'est à partir de ça, là, qui est très lisible par un être humain, ou qui est plus ou moins lisible par un être humain, suivant la langue employée. Voilà, mais ce qu'il y a de compliqué et ce que ne propose pas Crossref, c'est où sont mes métadonnées là-dedans, pour que je puisse aller interroger Crossref. Et c'est ça la difficulté. Et donc, ceux qui vont dire, les revues qui vont adhérer chez nous et qui vont dire, nous, on va vouloir que vous nous donniez des DOI, on va être plus sévère sur les métadonnées. Et notamment, quand vous enverrez votre document à Cerveau et qu'il vous reviendra là dans l'ODEL, on vous dira, on a essayé de parser toute votre bibliographie sur tel document et il y en a dans un pourcentage qu'on arrive à reconnaître, c'est-à-dire on arrive à détecter un auteur, un nom de journal, un titre, un volume, une pagination, et le reste, on n'y arrive pas. Et voilà, vous allez payer une amende pour ça. Après ça, je sais pas. Business. On invente un système d'amende pour nos revues. Si vous avez une amende, vous allez payer la revue. Non, on revient sur ce qu'on dit sur la lettre tout à l'heure, en fait. Alors, oui, non, c'est nous. Si on en paye une, ce sera nous. Donc, un autre là, exemple. C'est l'incitation pour la question. C'est quand même une question posée. Je n'ai pas compris. Quand il analyse la référence biographique, s'il arrive à l'analyser, il va trouver tout seul le DOI. Non. C'est ça ? Non, il va le chercher le DOI. Il y a deux étapes. C'est-à-dire, il y a une étape où il faut analyser la référence bibliographique. Alors, soit on le fait à la main, c'est ce que font les trucs à enfin, à la main, je veux dire en programmant. En sachant qu'il existe autant à peu près, déjà si vous utilisez Zotero, des choses comme ça, il existe des centaines de normes de manière de formater une référence bibliographique, mais moi j'ai tendance à dire qu'il en existe autant qu'il y a de chercheurs hein, qui écrivent. Bon. Donc la réponse à la question, c'est on va parcourir, parser, traduisez-le en parcourir par terminal informatique. Les références que vous avez dans vos bibliographies, on va essayer d'en faire quelque chose et on va essayer de vous dire ce qu'on arrive à en faire. Et si on n'arrive pas à en faire grand-chose, vous aurez une sorte de score qui vous aidera à essayer peut-être de faire évoluer vos normes bibliographiques. Mais il n'y aura pas d'obligation de faire, on fera comme on pourra et Crossref ne nous tapera pas dessus si on essaye, ça suffira. Et là, c'est pour vous montrer que quand même, ça marche un peu, c'est un autre exemple, on en trouve deux là. Donc nous, on fera un effort. Et d'abord, on va vous proposer des recommandations. Je vais y venir. Des trucs à faire et à ne pas faire. La différence entre le papier et l'électronique, ce qui est la thématique de la semaine, en fait, à chaque fois. Les notes de bas de page, qu'est-ce que c'est qu'une page et tout ça. Donc nous, on va programmer, on va essayer de parser au mieux les références bibliographiques, surtout celles dont on aura dit, celles-là, si on vous propose une norme, on fera en sorte qu'elles soient reconnues. Mais sinon, on utilise d'autres web services, des services sur le web, essaye déjà avec d'autres algorithmes. Avec d'autres algorithmes de parser, donc là c'est ce qui est utilisé, de parser X styles, X normes de référence bibliographique. Une question, vous parsez uniquement les références bibliographiques ou c'est ce qu'il y a dans les notes? Parce que toutes les revues n'utilisent pas des bibliographies. Ouais, alors on commence, alors on va commencer par les références bibliographiques. Et après on fera les notes. Parce que les notes, c'est encore beaucoup plus compliqué, parce que soit c'est vraiment une référence bibliographique, c'est bon, mais s'il y a un commentaire autour, machin, là, ça commence à devenir très très compliqué. Mais la finalité, ce sera de travailler même l'intérieur du texte, parce que parfois les références sont dans l'intérieur. Ouais. Donc mais pour le moment, on essaie de tester la robustesse de nos algorithmes déjà sur ça. Et on progressera peut-être. Oui. Alors, la solution de styler les références bibliographiques, j'y viens. C'est une usine à gaz. C'est trop cher. S'il y a 10 références par article, ce qui n'est pas beaucoup, qu'il y a 10 articles par numéro, ça fait 100 références à saisir, et 100 références en séparant dans des champs, enfin, c'est infernal. C'est trop. Là, on ne peut pas vous demander ça. Alors, vous voyez ici qu'il y a une troisième barre, là, qui vient d'apparaître sur revue.org. Et cette barre, à terme, elle permettra, ici, on pourra dire que cet article, une fois que ce DOI, là, il aura été déposé, là, j'ai marqué qu'il était en cours d'acquisition, puisque le programme est en train de... Eh bien, une fois qu'il aura été déposé, et que les autres éditeurs auront fait leur boulot, qu'ils auront dit, ah, mais maintenant, on reconnaît des DOI de revue.org, on pourra, ici, avoir, entre autres, comme fonctionnalité, cet article a été cité par... Donc c'est un peu l'idée qu'il y avait là un petit schéma que tu avais créé, Marin, comme on pouvait voir... Comme les blogs. Oui, comme les blogs. comme les blogs, ouais. Donc du coup, l'idée, c'est ça. Cet article est cité par, avec un menu déroulant, en fait, qui donnera un accès direct, en plus des DOI ajoutés en note de bas de page, etc., qui seront aussi là. Pour aller plus loin, ça, du coup, on saura ceux qui sont cités, en fait, on pourra pointer les sites, ceci. Et ça, du coup, on pourra faire c'est des parcours thématiques qui ne sont pas liés au DOI. Qu'est-ce qui se passe quand on a un DOI pour deux instances de même document? Comme c'est interdit, normalement, ça ne doit pas exister. Non. Ah, tu veux dire deux URL différentes? Oui, nous, à l'époque, on a une revue chez JSTOR et chez KC. Eh bien, justement, mais j'allais y venir. C'est nous qui avons l'autorité parce qu'on est les premiers à... Non, mais quand tu vas chez... Non, mais c'est quand tu vas chez CrossRef et que tu peux afficher la liste de tous les déposants et tu vois que... ou la liste de toutes les revues et tu vois qu'il y a des revues qui ont plusieurs déposants. Ils ont JSTOR, / Kern, / le partage. Eh oui. Hein ? Et alors, mais si, il est unique. Le document est le même, c'est juste qu'il a été partagé entre plusieurs. Ils prennent trois fois l'argent des trois. Je ne sais pas ça. Moi, je... Et s'il est déposé dans HAL, pourquoi c'est pas HAL qui prend les DOI comme ça tous les articles? Ah, mais HAL a comme recommandation a dit si votre article a reçu un DOI, venez le mettre sur... Ça serait mieux que HAL paye le DOI et comme ça tous les articles seraient déposés. Attends, il faut répondre à ça. Deux URL. On a deux URL pour un seul DOI. Alors normalement. Je clique sur le DOI dans la... Normalement, mais ça ne doit pas arriver. D'accord. Et là, je vais parler des problèmes que vous allez avoir vous, qu'on a nous, mais eux aussi, ils en ont des tas de problèmes. Et quand tu te balades un peu chez CrossRef et que tu commences à essayer à la main de dire tu copies-colles dans un formulaire une référence bibliographique. Et tu dis à CrossRef, il y a un DOI à cette référence bibliographique. Il te dit oui, non, machin. Puis tu t'aperçois qu'il y a des liens qui s'appellent gestion de conflit. Gestion de conflit. C'est-à-dire, ah non, mais ce DOI, en fait, c'est à moi qu'il appartient. Donc eux aussi, ils ont toute cette problématique-là à gérer. Mais c'est eux qui la gèrent et normalement, il ne doit y en avoir qu'un. Oui, mais un DOI, mais plusieurs URL. Non, alors, je vais répondre. Il y a un DOI, mais potentiellement plusieurs URL, c'est dans la procédure, c'est légal. On ne l'a pas vu. Donc, je ne sais pas s'il donne le choix ou s'il envoie sur la première qui est listée. Je ne sais pas. Le choix, là. Je voulais savoir si à ce moment-là, qu'on serait se poser en intermédiaire en disant, ben voilà, moi, je m'identifie tant du RF pour un seul BOI, si ça lui donnait une place supplémentaire dans l'intermédiaire qui peut constituer entre le lecteur qui l'a cliqué dans le livre qui se répond sur un lien, parce qu'on pouvait confronter au choix de 3 du RF pour un document ou 4, ce qui peut arriver. D'autant plus, s'il y en a une qui est gratuite et une autre qui est payante. Non, mais il y a des enjeux énormes. Sont proposés, oui, d'accord. Donc, ça résume. Donc, ça répond à la question. Et alors, nous, donc. Si, puisque tout le temps, c'est précisé gestion de conflit. Dès qu'on résout un DOI et tout, il y a un bouton pour dire je suis pas d'accord. Vous savez, c'est comme quand vous êtes sur. Sur Facebook et de dire signaler ça là, comme un abus, comme un fake, c'est pareil. Donc ils sont obligés de gérer ça à la main et c'est un gros problème. Et par exemple avec les continuités percées, voilà. Et ben, sur l'exemple que j'ai donné, la Rémi, ce qu'il y avait avant 2000 était chez Percé. Et donc quand j'ai fait un essai, et maintenant ben, c'est chez nous, et quand j'ai fait un essai pour déposer mon DOI, on m'a demandé le nom de ma revue. J'ai dit, ben, c'est la revue des migrations internationales, machin, le truc court. Et Crossref, il m'a répondu, ah mais non, ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas déposer de DOI là-dessus. Ça appartient à Percé. Et donc, dans ce cas-là, c'est un petit mail à l'interlocuteur ou l'interlocutrice à qui on a le droit parce qu'on est adhérent et parce qu'on paye. Et on lui explique, oui, non, mais c'est avant, puis ça change d'éditeur et tout ça, enfin, voilà, déposant sur le web. Et donc, on sent bien, ils interviennent à la main, ils débloquent le truc, ils disent, OK, maintenant, c'est Revue.org qui peut déposer des DOI à partir de telle année. Voilà, mais l'avantage, c'est qu'on ne parle pas du tout du même document, puisqu'il y a des périodes différentes, donc on n'est pas en concurrence sur le même document. Oui, bon. On ne parle pas des mêmes documents, mais ça prouve bien qu'il y a des tas de problématiques qu'ils ont à gérer eux aussi. Et notamment, par exemple, quand on rentre les métadonnées, ben souvent, on tape des fautes d'orthographe, par exemple. Donc, eux aussi, ils ont à gérer une liste de journaux longs qui ont été écrites avec des fautes d'orthographe, avec... enfin, ils ont eux aussi des tas de problématiques à gérer. Des problèmes d'autorité qui sont assez colossaux. Voilà. Alors, il te reste une demi-heure pour leur parler de la façon dont... Une demi-heure, c'est très bien. Donc, en fait, on revient à tout ce qu'on a déjà dit hier avec Alain Pierron, les trucs sur Facebook, sur EPUB. La problématique de comment on va écrire une référence bibliographique en édition électronique par rapport à celle papier. Je pense, par exemple... Alors, j'ai séparé les deux cas pour que ce soit plus lisible, mais en fait, les deux vont de pair. D'abord, il y a évidemment l'humain versus l'ordinateur. C'est-à-dire que nous, on a un cerveau, et quand on lit quelque chose, eh bien, on sait que là, c'est un auteur, on le comprend. Ça, on sait que c'est une date. Ça, on imagine bien que ça doit être une pagination. Voilà, notre cerveau, il fonctionne, et c'est cool. Mais l'ordinateur, lui, il voit des caractères ASCII ou en UTF-8 qui se suivent, point barre. Donc il faut qu'il arrive à décortiquer tout ça. Donc, et après, il y a aussi ce qu'on avait l'habitude de mettre sur le papier, des pratiques papier, parce que c'était beau à l'imprimerie, parce que pour des tas de raisons, quand on mettait des notes de bas de page et qu'on sait qu'un pub, ben, ça ne va pas bien passer, enfin, des tas de pratiques papier qui, avec l'électronique, à cause, apportent des tas de problèmes. Je pense par exemple à un truc tout bête qui est dans les références bibliographiques du Read Write Book. Dans les références bibliographiques, on a une première référence, et puis l'autre en dessous, c'est le même auteur. Je mets trois petits tirets. Bon, alors là, à l'écran, déjà, c'est pas beau, mais sur le livre, ça passe très bien. Bon, le problème, c'est que l'ordinateur, lui, déjà, il les prend une à une, les références, et il essaye de les analyser. Donc, il analyse celle-là. Et puis après, il va analyser celle-là. Là, les trois tirés, pour lui dire que, ben, dans ce cas-là, c'est l'auteur du dessus. Si l'auteur du dessus, ben, il n'a pas réussi à la reconnaître parce que elle est trop mal formatée, celle-là, et qu'il ne s'en sort vraiment pas. Enfin, là, on n'aide vraiment pas l'ordinateur à retrouver ses métadonnées. Et je dirais même que on devrait systématiquement remplir les métadonnées, puisqu'on a vu que c'est la même problématique que les issues des trois tags, ou si on fait un export dans Zotero et tout ça. C'est-à-dire que ça, ok, c'est bon, c'est de la typographie, mais il manque le nom de l'auteur sur cette référence bibliographique. Donc en fait, tous les champs de métadonnées doivent être renseignés. Et explique-nous pourquoi tu sépares ces deux normes. Alors, voilà, ça aussi, c'est encore du papier vs l'électronique. Celle-là, je ne sais pas si on le voit bien, mais là, j'ai la mort du livre, c'est en italique. Alors, dans l'Odel, par exemple, on vous permet de gérer l'italique, et ça va s'afficher en italique. Si vous avez choisi même une fonte différente pour l'auteur et pour la mort du livre, parce que vous êtes très pointilleux, des choses comme ça, ça va bien apparaître comme ça. Le problème, c'est que quand on communique avec des web services pour lui dire « reconnais-moi une référence bibliographique » ou « crossref, donne-moi un DOI », ça passe tout par du XML, mais c'est du XML brut. C'est-à-dire, j'ai pas de graphe, j'ai pas d'italique, j'ai pas de mise en forme. Aucune. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'as plus de la liste de mise en forme à l'intérieur de ton aucune, de la liste. Aucune. J'ai d'avoir du caractère visible. C'est juste de la donnée brute. Auteur, nom de journal, nom de titre, pagination, machin. Donc, par exemple, typiquement ça, sur le papier, ça passe très bien. Mais si celle-là, je la copie-colle dans le résolveur de. Dans le formulaire de Crossref qui essaye de reconnaître la référence bibliographique, il ne trouve pas de DOI là. Alors que si je la mets comme ça, d'abord, quand je la copie-colle dans le formulaire, votre italique, il n'existe plus. C'est du caractère par caractère. Et par contre, si je la copie-colle en remplaçant l'italique par des guillemets, là, hein, Et bien là, il trouve un DOI. Parce que ça l'a aidé à trouver où était le titre du livre par rapport au reste. Voilà. Même sans séparateur avec le numéro de la revue. Mmh. Séparateur entre le titre de la revue et le numéro. Alors, c'est un des gros problèmes qu'il y a. C'est par exemple, quand on a plusieurs auteurs. Là, par exemple, on a Aigrin, virgule, Philippe. Alors ça, déjà, moi, ben, ça me fait très peur. Parce que bon, j'ai beau avoir un point, là, je me dis, s'il y a deux auteurs, il y a de fortes chances que je vais me retrouver avec une virgule là. Alors, si le séparateur entre le nom et le prénom, c'est la virgule, et que le séparateur entre deux auteurs, c'est la virgule, on est mort. C'est le point virgule de norme bibliographique. Oui, alors, allez-y, chacun sa norme. Chacun sa norme. J'attire juste votre attention là-dessus en faisant regardez, c'est la même, c'est le même auteur. Hein. Et pourtant, ici, là, j'ai une virgule. Ah, et là, je l'ai. J'en avais vu une qui passait pas. Non, c'est pas grave. Mais il faut ouais. Est-ce que vous cherchez un voilà. Oui, alors il faut, pour un livre, il y a besoin de moins de données, mais il n'y a pas beaucoup de DOI. Pour un article, il lui faut le premier auteur, obligatoirement, le nom de la revue, une date et une pagination, ou un volume ou une pagination. Et il n'est pas obligé d'avoir le titre de l'article. C'est recommandé quand même. C'est soit les pages, soit le volume. Oui, mais c'est soit les pages, soit un volume, soit un numéro. Mais un truc qui identifie. Alors, il n'y a pas de pagination et il n'y a pas de numéro dans les entrepôts. Il va signaler dans les références bibliographiques. Parce qu'il n'y a aucun des deux éléments sur le volume. Si, il y a le numéro. Par son entrepôt AI et les références bibliographiques, c'est la même chose. Parce que ça, c'est des références bibliographiques. Mais quand on dit, justement, pour citer cet article dans revue.org, il y a bien, justement, la référence au numéro auquel appartient l'article de la revue. Et donc ça, ben, c'est bon. Et si on utilise Zotero, EndNote, ce genre d'outils, est-ce que vous recommandez d'avoir des stimes déjà en tenant compte de ce type de choses? Eh bien, on cherche. On travaille beaucoup là-dessus avec Marin. On est en train d'essayer de voir les 200 références, les 200 styles de sortie, hein, ce qu'ils appellent les styles. En fait, c'est des scripts qui permettent de faire une sortie visible par l'être humain. Sont à peu près 200 standards. Il y en a dans Zotero et dans Redford et dans EndNote. C'est sûr que c'est la meilleure solution, mais les tests qu'on a fait sur les observations qu'on a fait sur Chicago, Harvard, I2E, I3E, etc. I2E, 690. Sont un peu inquiétants parce que d'abord on voit que les sorties sont pas très propres, il y a des doubles ponctuations ajoutées par les outils, etc. Parce qu'en fait il faudrait faire plein de tests, présence ou d'absence de telle ou telle valeur, etc. Et en fait ils sont rudimentaires ces styles, en réalité on n'est pas du tout au bout de l'affaire. Et puis ils sont tous un peu défaillants. Nous, ce qui nous semble pour le moment, c'est que le style Chicago est le moins mauvais. Mais je vous dis ça, mais peut-être que dans 15 jours, on aura une vérité plus stable. Là, pour le moment, on est plutôt dans l'exploration. Gabriel, au fond. Oui, bien sûr. C'est très bien. Et on ne va pas demander. Et on va. Non, mais c'est pour ça qu'on va juste attirer l'attention et faire des préconisations. Et c'est pareil, même si on trouvait la norme magique, on ne va pas s'amuser à reprendre nos 40 000 documents et à parser les bibliographies et à les réécrire. On deviendrait fou. Et on sait très bien que suivant les communautés. J'ai la date juste après les auteurs, ou j'ai la date à la fin, enfin des tas de choses comme ça, hein. C'est, on le sait tout ça. Et justement, il y a une question qui va avec, est-ce que vous connaissez les parseurs de vidéos efficaces pour, alors, soit l'ultistime, soit pour certains styles de vidéos? Eh bien, il en existe. Il en existe 2-3 qu'on a testés. Sur le web, et là on utilise un web service qui s'appelle ParseSite. J'avais mis la référence au début de mon PowerPoint. Voilà, c'est celui-là, là. Testé à la main, ParseSite. Ce serait pas possible que tout le monde de chaque revue fournisse en liste les références et choisisse le style de la revue. Demandez aux revues. Alors, non, parce que il y a 1% d'auteurs qui utilisent des, en SHS, qui utilisent les outils de type Zotero, EndNote et autres. Donc nous, on va. Alors, la réponse quand même, c'est aujourd'hui et demain. La question que pose Gabriel, c'est est-ce que sous-jacente, c'est est-ce qu'on va obliger ou est-ce qu'on va inciter? La réponse, c'est évidemment qu'on va inciter et pas obliger. Deuxièmement, aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. Demain, comment est-ce qu'on va inciter? Nous, notre choix est d'attendre que Zotero sorte en 2.0. Parce que c'est le seul moment où la synchronisation avec un serveur distant permet la sécurité des données. Et à partir de ce moment-là, on va... Enfin, je souhaite que nous ayons la force, et je vous appelle tous à nous rejoindre, d'ouvrir un blog Zotero sur Hypothèse, en accord avec les gens qui font Zotero, qui travailleront avec nous sur ça, pour à destination de la communauté francophone, mais pas seulement SHS d'ailleurs, pour favoriser les bonnes pratiques et diffuser les informations sur les formations, sur les bugs, sur les nouvelles versions, etc., faire de la traduction de doc et tout. Il faut monter une communauté pour qu'on soit 15 blogueurs autour de cet outil, et qu'on aille répondre aussi sur le site Zotero, la partie sur le site Zotero dans le forum, la partie francophone, que les gens du CHNM, le Center for History and New Media, puissent se reposer sur nous pour la hotline, en fait. Hein. Et donc, ils sont d'accord sur cette démarche-là. On attend sagement que 2.0 sorte. Et après, on va dire, voilà, il y a une solution qui est la structuration de vos données bibliographiques en tant qu'auteur. On vous la propose, vous en disposez. À partir de ce moment-là, si on voit que des usages émergent, on pourra discuter. Mais pour le moment, le RIS, ils ne savent même pas que ça existe. Et même Zotero, ils ne savent pas que ça existe. Et y compris la force et Endnote, d'un point de vue statistique. Hein. Bon, je finis par un petit exemple. Ça, c'est justement, on va chez Crossref et ils nous disent vous copiez-collez votre référence bibliographique à la main. Et on va essayer de vous la parser, c'est-à-dire tout ce que je vous ai raconté. Donc là, justement, c'est le cas typique. Si j'avais du gras ici, de l'italique, et des tas de trucs, tout est perdu. D'accord ? Et si j'ai trois tirés ici, je suis sûr qu'il ne va rien trouver. D'accord ? Parce qu'il ne trouvera jamais d'auteur. Donc, et je la parse. Donc c'est un peu long. Hein. C'est quand même Crossref, hein, mouline derrière. On peut en mettre qu'une, pas une liste. Si on peut. Là, on peut en mettre qu'une. Parce que c'est le truc intelligent. C'est le truc intelligent, mais du coup, il marche que comme ça, que à la main. Il ne le propose pas en web service. Voilà. Et eh ben, je ne l'ai pas eu, mon livre. Pourtant, il y en a un. Bon, je ne l'ai pas eu. Alors, quelques questions. Quand tu parses un article, pour le moment, avec ton logiciel... J'y viens. Ce qu'il y a, c'est... Donc, là, on voit que Crossref, il fait le boulot. On se dit, c'est bon. Ce qu'a dit Marin tout à l'heure en cours, et ce que je viens de te dire, c'est pas vrai. En fait, il le fait. Mais il ne le propose que en formulaire, que à la main. Et quand on veut le faire de manière automatique, il faut lui donner, parce qu'évidemment, vous avez vu que déjà, c'est long, alors que c'est Crossref, hein, ils doivent savoir faire. En fait, eux, ils font juste une interrogation de base de données, donc ils veulent un XML, où il y a exactement le nom, l'année, formaté d'une manière très précise, anglaise, évidemment, pour l'anecdote, enfin, des tas de choses comme ça. Et donc ce travail d'analyse de la bibliographie, on est obligé de le faire soit nous-mêmes, soit par un autre web service. L'autre web service, alors je l'ai mis là, voilà, pour l'instant on utilise celui-là, par ce site. Donc là, si je fais ça, c'était le changement. Voilà, CTRL V. Voilà. Et je dis pas si slide. Et voilà, donc là, il me dit que les auteurs, voilà, il a bien détecté mon auteur. Ça, il me l'a affiché, il a mon livre comme un title. Communication et langage, c'est un journal. Alors ça, il a trouvé parce qu'il y a ça, là. Mais avec l'italique, il s'en sort pas. Il trouve tout ça comme titre. Mais ça, c'est lié à des normes typographiques classiques. Oui, mais je veux dire, il a le mérite d'essayer de faire le travail. Et donc, ce qu'il y a de rigolo pour vous attirer l'attention, par exemple, quand vous allez importer votre document dans l'Odel, et que je vais vous dire, telle bibliographie, je ne l'ai pas comprise. Vous pouvez vous amuser une fois à faire un copier-coller de votre biblio dans celui-là. et peut-être qu'il va vous trouver un DOI. Et là, vous allez vous dire, mais ils sont idiots, chez Revue.org, ils me trouvent un DOI. Mais, comme je ne peux pas utiliser ça en web service, il faut que d'abord, vous alliez la copier-coller ici, voir si lui, il est arrivé à trouver les bonnes métadonnées au bon endroit. Parce qu'il faut arriver à extraire les bonnes métadonnées au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a des fois ici, avec la même référence bibliographique, il y a des fois ici, ça ne marche pas du tout. Et Crossref, il s'en sort. Et des fois, ben, c'est l'inverse. Et ça, c'est dû aux X normes, aux X manières qu'il y a d'écrire une référence bibliographique, plus les copier-coller, plus les habitudes stylistiques pour l'édition papier, etc., etc. Et donc même chez nous, pour en revenir, pour finir, on est en train de se poser la question à comment, ça c'est les fameux, pour citer cet article que vous avez, quand vous avez écrit, il a été remanié là, dernièrement. On s'est dit, on va faire mieux quand on a généré le PDF automatiquement. Là. On a dit quand même, pour citer cet article, on va le reprendre, il va être meilleur, il y aura plus d'informations. Et donc, on a fait, c'est une bibliographie, mais en même temps, comme on est sur le web, on veut bien dire, c'est toute la problématique qu'a exposé ce matin Marin. On va en faire en même temps une webographie, donc on dit que c'était en ligne, que ça a été consulté des tas de choses comme ça. Et il se trouve que on a des informations qui sont passées, là par exemple c'est le numéro 3 et l'année 2007, qui sont passées après le en ligne. Du coup, ici, si je prends ça, là, si vous copiez ça alors que Revue.org a attribué un DOI, vous n'allez pas le trouver, parce qu'il y a le en ligne au milieu, et il va manquer le numéro et l'année. C'est-à-dire donc, qu'on n'est pas capable de parser nos propres références. Voilà, donc on va les corriger et on va les mettre comme ça. Enfin, on ne sait pas encore. Ouais. On réfléchit. Mais oui, non, mais la problématique, c'est compliqué. Et si vous, et par exemple, où c'est qu'on met le DOI? On ne sait pas trop non plus. Et il n'y a pas énormément de recommandations. Et quand on est allé sur Delib tout à l'heure, comment on affiche le DOI d'un document? On a vu que sur, alors que c'est censé être hyper important, qu'il faudrait que ça soit sur le papier, qu'il faudrait qu'il se retrouve partout, que dès qu'on cite quelque chose, on mette le DOI, et bien on voit que si on va chez Percé, ou chez Cairn, ou chez Revue.org, donc on a inventé une barre, si on va chez Delib pour trouver le DOI, il se retrouve tout seul en bas de page. Enfin, c'est encore tout à laisser à l'épreuve. Et il faut voir comment on va s'en sortir. Ah ben voilà. Alors qu'il pèse lourd dans le PDF. Voilà, donc c'est des problématiques. Donc quand même, on vous promet qu'on va rendre nos citations passables. Et que vous pourrez retrouver un DOI en les copier-collant chez Crossref. Ensuite, il y a encore. Tu voulais pas montrer, je vois qu'il y a un schéma dessous. Ah si. Le schéma dessous. Le schéma dessous, c'était pour dire où intervenait. Ça va, c'était le montage. Il est têtu. Ouais. Le schéma, c'était justement le schéma d'information qui est dans l'ODEL. Donc on a le fameux document qui est stylé ici, dont on va vous embêter avec justement, il faudra. Quand l'ODEL 1 va sortir, on va vous embêter de plus en plus sur les métadonnées, avec même des filtres, comme tu as montré tout à l'heure, des expressions régulières sur des tas de choses. Donc ça, on l'envoie à un serveur convertisseur, donc ça sera plus cerveau, mais ça sera plein de texte qui renverra de la TUI. À partir de cette TUI, on parsera les références bibliographiques. On vous dira, celle-là je l'ai reconnue, celle-là je ne l'ai pas reconnue, voilà. Et puis, après, on aura la même chaîne de publication, sauf qu'on sera capable en plus de mettre les DOI et de faire le site EPAR. Et que ça sortira de la TEI. Et que ça sortira de la TEI, etc. Donc on voit que le crosslink ici, il s'intègre dans la chaîne de publication. Ça s'ajoute. Alors le temps de traitement actuellement, c'est environ 3 minutes pour un article. Parce qu'il faut parser, puis un peu vite. Oui, parser à peu près on va dire 20 références bibliographiques. Ça prend bien 3 minutes hein, pour l'instant. Alors on va améliorer ça, mais ça restera, ça ne fera pas un dixième de seconde. Donc évidemment, ça va être mis dans des files d'attente, parce qu'on ne va pas vous demander d'attendre que ça travaille à chaque fois que vous importez un document. Donc on va le mettre dans une file d'attente, il va être traité dès qu'on pourra le traiter, et ensuite on enrichira a posteriori. Si vous, vous importez votre document une nouvelle fois le lendemain, on va le reparser, re-enregistrer, etc. C'est pas grave, hein, les machines sont faites pour tourner, hein, les serveurs sont réfrigérés, sont là, ça. Mais il faut savoir qu'il y aura une grosse activité de calcul qui va augmenter, et qu'il y aura toujours un décalage entre le moment où vous allez publier le document et le moment où nous, on sera capable d'apposer les DOI dessus. Dans le meilleur des cas, 3 minutes, parce qu'on va retravailler à chaque fois vos documents, même si vous changez un caractère seulement dans le titre, nous, on ne saura pas ce que vous avez changé, donc on retravaillera tout le document, et il y aura au moins 3 minutes d'écart. Donc si vous faites des modifications toutes les 3 minutes, vous n'aurez jamais de document enrichi. Hein. On entre dans un système de latence, à la fois pour l'acquisition du DOI, puis après pour les enrichissements. Quand on dit 3 minutes, c'est quand il n'y a pas une file d'attente déjà de 10 000 documents derrière. Hein. Donc ça se fera sur des processus parallèles. Alors s'il y a déjà les DOI, on les trouve et on n'a pas besoin de s'embêter. Ah oui, ça c'est bien. J'ai commencé par ça. À chercher un DOI dans une référence bibliographique. Ça va beaucoup plus vite, évidemment. Et c'est beaucoup moins ambigu. Et il faudra d'abord qu'il y en ait beaucoup qui... Mais ceci dit, on est en sciences humaines et sociales, et je disais qu'il y avait énormément de journaux, de revues, qui déposaient des DOI chez CrossRef et tout ça, mais c'est surtout en sciences dures, ou exactes, et je m'attendais à avoir très très peu de DOI, et pour finir, on en trouve quand même pas mal. Quoi. Donc je suis, je ne sais pas si je dois dire agréablement, mais je suis surpris. Voilà. Ça dépend aussi des disciplines, parce qu'à l'intérieur des bien sûr. Le paysage est très disparate. Bien sûr. Il y en a qui sont qui sont un peu rapprochés des sciences dures pour tout ça, et il y en a d'autres qui sont j'ai quand même été surpris. Moi, je m'attendais à je parse des bibliographies, et jamais rien, quoi. Et en fait, non. Les trois portails revue.org, Percé, Kern sont en train ou ont déposé leur... Donc déjà, ça fait beaucoup, mais il y a aussi des documents extérieurs. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on vous libère de cette séance technico Effectivement, une fois qu'une bibliographie est parsée, une fois que la bibliographie est parsée dans le schéma de production, ensuite le DOI avec son nom cliquable est automatiquement intégré dans la bibliographie en question. Pas dans la source. Avec le petit point d'interrogation qui permet d'ouvrir les métadonnées. Ouais. Ouais. Et on aura de plus en plus. Donc il y a deux nouveaux logiciels qui sortent, c'est OpenText XML Conversion Server qui est le successeur du Servo, qui est développé par Nicolas, et CrossLinkit qui est le logiciel qui va servir à l'enrichissement. Donc ça c'est des web services en fait qu'on développe nous. Et vous êtes dans ces codes. Ça peut être fait niveau browser ou niveau JavaScript aussi, et du coup ça pourrait être utilisé sur n'importe quel site, ce type d'enrichissement, transformer les liens et appeler le web service. Vous avez pensé à développer ça justement pour tout le monde? Ça, c'est des... Tu as remarqué que les gars qui ont sous, ils n'ont pas ouvert des API pour résoudre nos problèmes. Donc nous, on va les ouvrir, mais on va y réfléchir avant. Zotero, il fait du JavaScript justement et tout ça. Et c'est pas, enfin, c'est... Tu parles de l'enrichissement des bibliographies. Il y a 3 minutes quand même. Hein, Et si vous avez déjà un DOI sur la page? Ça c'est rien du tout. Il y a même des extensions Firefox qui le gèrent déjà. Ça existe déjà. Ça, ouais. C'est rien du tout, ça. C'est, si c'était que ça, on n'aurait pas de problème. Encore une question, deux questions. J'ai pas compris comment ça se passait entre, par exemple, quand un artiste passe de Cannes sur le groupe. C'est Cannes. Alors là, dans ce cadre-là, c'est un truc politique, c'est que, en fait, nous sommes le déposant pour les articles que nous confions provisoirement d'un point de vue commercial à Cairn. Donc nous sommes les déposants. Donc ce qu'on va faire, c'est... Voilà, c'est ça. Quand on le déclare, on dit l'URL du document du cadre de son exploitation commerciale par Cairn et cairn.info/ machin. Et le jour où le document bascule, on redéclare à Crossref qu'il a changé, l'URL a changé. Donc ça, c'est de manière automatique. Oui, oui. Chez vous. Oui, tout ça est automatique. La bascule est automatique. Ah, on disait bascule, il fallait du coup la déclaration auprès de Crossref. Oui, automatique. Vu le nombre de revues et d'articles qu'on a, on ne pense qu'en automatique. On ne peut pas se permettre de, à part avoir une armée de Chinois. Et le délai entre le moment où vous demandez le délai pour un article, comment ça dépend de la file d'attente qu'a chez Crossref. C'est moins de deux jours. Et cela dit, il est prévisible, puisqu'en fait, en réalité, je ne comprends pas comment ils mettent pour faire pour nous donner une. Prendre deux jours pour nous attribuer un délai, parce qu'en fait, c'est nous qui l'attribuons. Parce qu'en fait, eux, ils le certifient. Oui. Parce qu'en réalité, c'est selon notre norme de nommage. Exactement. Donc, mais c'est parce qu'ils vérifient les métadonnées, le coût du jeu. Enfin bon. Ouais. On est bien d'accord que. Ouais. Toute la gestion des conflits, tout ça, c'est faire la main. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Elles sont, alors, quand on déclare le DOI, si on a déposé une erreur ou qu'il y a un enrichissement de métadonnées, on peut retourner et enrichir les références. Le DOI est fixe, mais les métadonnées qui lui sont associées sont évolutives. C'est le déposant. Voilà, mais de toute façon, on a bien dit qu'on doit tout le temps réinterroger Crossref pour avoir des informations à jour pour l'URL et en même temps, on rapatriera les métadonnées avec. Sauf qu'il me semble, mais ça serait à confirmer, que tu peux que enrichir tes métadonnées, mais pas revenir en arrière, tu vois, supprimer un auteur. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elles sont évolutives à la liberté du déposant. Dans le handbook, qui est plutôt une 100 pages de promotion de DOI qu'un guide technique, moi, j'ai compris ça, mais bon. Voilà. Donc, on vous souhaite un bon appétit et une bonne digestion sur ces questions à l'égard. Peut-être. En tout cas, les web services sont accessibles et open source. Développement. On réfléchit à plusieurs modèles, y compris des modèles de compilation, des choses comme ça. On va voir comment, à quel niveau on les ouvre, comment.